بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، louange à Allah de nous avoir comblés en cette nuit du 20 Rabi' 1er 1442, qui correspond au 6 novembre 2020, de nous avoir comblés de cette assise, et je suis heureux de vous retrouver sur les ondes de la radio du Centre Al-Furqan pour un sujet qui occupe l'actualité depuis un petit moment. Celui qui médite la situation de notre époque et les perturbations et les séditions et les fitanes qui s'y passent se doit de se rappeler le hadith du messager alayhi salatu wassalam, le hadith d'Abdullah ibn Omar, où le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: que feriez-vous quand arrivera le temps où les gens vont être filtrés, un filtrage qui ne laissera que les mauvais, qui ne laissera que les mauvais gens, qui ne tiennent pas leurs engagements, et qui ne sont pas loyaux, et qui sont en divergence entre eux, et il a entremêlé entre ses doigts pour montrer qu'ils seront en grande divergence. Les compagnons ont dit: que devons-nous faire si ce temps arrive? Et il a dit alayhi salatu wassalam, dans le sens que les savants ont donné à sa parole alayhi salatu wassalam: vous prenez et mettez en application ce que vous connaissez et vous délaissez ce que vous ne connaissez pas. Et vous vous penchez sur votre situation et celle de ceux qui sont sous votre tutelle, et vous restez autour des savants et vous délaissez la situation de la masse. Le hadith, il est authentique. Et il est dans la chaîne des authentiques de Cheikh Nasser Abdel Albani, rahmatullah alayhi. Ce hadith fait partie de la série des hadiths que le messager, la série du hadith du fitan, que le messager d'Allah nous a annoncé. Le prophète ici, dans ce hadith, a utilisé un terme en arabe qui dit yugharbal. Littéralement, ça veut dire tamiser, c'est-à-dire l'acte de tamiser, la farine pour séparer la farine du son, quand on a moulu le blé, pour le séparer la farine du son, on le tamise. Donc, et Abadi rahimahullah, dont l'interprétation qu'il a fait du Sunan Abi Daoud, a dit: cela signifie distinguer les bons du mauvais. Distinguer les bons du mauvais. Les savants disent: c'est ainsi les situations difficiles et les épreuves et les séditions. Ils distinguent le vrai du faux, le bon du mauvais. On voit ceci clairement dans la fitna, de la sa'faqa et de la division. Comment il a distingué les rangs, ceux qui sont le rang qui, de ceux qui sont derrière les grands hommes de science, et le rang de ceux qui divisent et qui sont les pires. Haddadi, comme les a désignés à Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Et il y a une parole de Cheikh Abdallah al-Bukhari qu'il a dite devant Cheikh Rabi'. Il lui a dit: la fitna de Salman et Safar nous a débarrassés de beaucoup d'intelligents. Mais la fitna de Mohammed ibn Hadi nous a pris beaucoup d'insensés. Et Cheikh Rabi', quand il a entendu cette parole de Cheikh Abdallah al-Bukhari, il a dit: Allahu Akbar. Et donc, le messager d'Allah a distingué, et on voit aussi ceci clairement dans toute fitna, et le messager d'Allah a distingué les caractères, a désigné les caractéristiques de ces, dans ce hadith, les caractéristiques de ces mauvais. Et il a dit qu'ils ne respectent pas les engagements, ils ne sont pas loyaux. Ils trahissent, ils sont en divergence entre eux. Et aussi, hein, regardez comment cette fitna des caricatures a distingué les vrais suiveurs du messager alayhi salatu wasalam des prétendants. Et on voit bien, dans cette fitna des caricatures, il y a ceux qui crient à la vengeance, qui sont dans le faux, ceux qui crient à l'innovation pour contrarier, pour faire face à cette fitna des caricatures avec des manifestations, des appels au boycott et ainsi de suite, d'autres qui appellent le meurtre, etc. Et d'autres qui sont plus laïcs que les laïcs, et tout ceci est faux. Et il faut un juste milieu. Et le juste milieu, c'est la voie qu'ont pris les salafis, la voie sur laquelle sont les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Dans cette situation, on se conforme à la législation d'Allah et on suit son messager alayhi salatu wasalam et on patiente et on endure. Car, certes, la situation est blessante. Mais nous ne devons pas nous jeter dans la gueule du loup non plus. Et comme il est dit dans le verset, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bilqist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. La traduction approximative du sens du verset, ô vous qui avez cru, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah, et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété, et préservez les droits d'Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ou bien, ceux qui crient à la vengeance sont injustes. Ceux qui massacrent les innocents sont injustes. Ceux qui appellent au boycott, hein, et qui se substituent aux gouverneurs des pays de l'islam sont injustes. Ceux qui appellent aux manifestations la même chose. Et méditez, frère en Allah, Azza wa Jalla, sur en Allah, subhanahu wa ta'ala, méditez comment ce hadith nous parle des situations et de fitanes que nous vivons depuis un moment. L'assassinat des innocents, la trahison et le non-respect des engagements par certains, hein, etc. À partir des événements actuels que vivent et subissent les musulmans en France en particulier et en Occident en général, ces événements qui ont causé la décapitation d'un prof d'histoire duquel l'islam et les musulmans sont innocents. Et les musulmans disent à vous ce genre d'acte. Tout musulman qui est doué de raison, qui suit son messager alayhi salatu wasalam, disent à vous ce genre d'acte. Et ce genre d'acte ne fait pas partie des enseignements de notre prophète alayhi salatu wasalam, ni de la religion d'Allah azza wa jal. Et ceci, on le dit par conviction religieuse. Et non pas par adulation pour qui que ce soit. Et on le dit haut et fort. L'islam et les musulmans sont innocents et désavouent l'horreur qui s'est passée dans l'église aussi de Nice. Car notre messager alayhi salatu wasalam nous a bien ordonné de ne pas tuer de femmes, ni les gens qui sont dans leur lieu de culte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, selon Abdullah ibn Omar, lors d'une bataille où le prophète a assisté, une femme était trouvée parmi les tués durant cette bataille. Et le messager d'Allah a interdit de tuer les femmes et les enfants. Nawawi rahimahullah a dit, les savants, les hommes de science sont unanimes qu'il est interdit de tuer les femmes et les enfants si ils ne participent pas au combat, s'ils ne font pas partie de l'armée, s'ils ne font pas partie du nombre des combattants. Une autre religion n'autorise pas de tuer celui qui est en train, qui est dans son lieu de culte, en train d'accomplir son culte. L'imam Ahmad rahimahullah rapporte le hadith qui est jugé bon par le muhaddith d'Égypte, Ahmed Shakir rahimahullah. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhu arda, le messager d'Allah, quand il envoie une armée, il leur dit ne trahissez pas et ne prenez pas du butin, c'est-à-dire ne mettez pas la main, ne vous servez pas dans le butin avant qu'il soit partagé par le gouverneur. Hein? Donc il ne prenait pas du butin, il ne mutilait pas, il ne tue pas les enfants, ni ceux qui sont dans leur lieu de culte. Regardez, frère en Allah, Zawajal et sœur en Allah, subhanahu wa ta'ala, et méditez cela. La trahison ne fait pas partie de la voie de notre prophète et de notre messager, alayhi salatu wassalam, même avec l'armée des ennemis. Hein? Et l'interdiction est encore plus grave et plus forte quand il s'agit des individus et des innocents et de ceux qui sont dans leur lieu, culte, dans leur lieu de culte. Donc on voit bien que l'islam interdit la trahison, la perfidie, même avec les non-musulmans, comme il interdit la mutilation de leur corps, même dans le combat. L'imam muslim ainsi qu'Abu Daoud rapportent selon Bouraïda ibn al-Husayb que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Combattez et prenez pas de butin et ne trahissez pas et ne mutilez pas. » Ce sont les ordres du messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'islam avec lequel Allah a envoyé Mohammed ibn Abdullah, alayhi salatu wassalam. Donc, ce qui s'est passé comme acte barbare dans une église à Nice, la décapitation d'une femme dans son lieu de culte à Nice, et avant la décapitation du prof d'histoire dans la région parisienne, ceci est contraire aux enseignements de l'islam et aux textes cités auparavant, et contraire aux enseignements de notre messager, alayhi salatu wassalam. Et tout ce genre d'actes sont une barrière sur la voie de l'islam. Il donne une mauvaise image de l'islam. Et ils ne font pas partie du combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ce ne sont que des actes barbares injustifiables qui rendent la vie encore plus difficile pour les musulmans en France et en Occident, alors qu'ils sont déjà dans une situation qui n'est pas enviable et qui n'est pas confortable. Ces actes sont des actes qui causent la fermeture de mosquées, la fermeture de lieux d'apprentissage de l'arabe et du Coran. Il faut faire très attention que la tempête des émotions ne vous emporte pas et ne vous fasse pas dire ou faire ce qui est en contradiction avec les enseignements de votre messager, alayhi salatu wassalam. Car la situation, c'est une situation de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, une situation de religion et de texte infaillible venant d'Allah et de son messager, alayhi salatu wassalam. Il ne doit aucun cas être régi par les émotions et par l'esprit de vengeance. Certes, il y a eu la republication des caricatures outrageuses envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons des leçons à retenir de cela. En dehors de la barbarie qu'il a entraînée, duquel l'islam et les musulmans se désavouent, on remarquera que le pays défenseur des libertés, dans certains cas, il a deux poids et deux mesures. Et qu'on n'oublie pas que cet hebdomadaire, auparavant s'appelait Harakiri, et il a été censuré en 1970 après la publication de caricatures jugées par le ministre de l'Intérieur de l'époque injurieuses à l'égard de la sacralité de Charles de Gaulle lors de ses obsèques. Et le journal a changé de nom et il est devenu Charlie Hebdo. Et on constate comment le pays de la liberté accorde la sacralité à un homme politique, il la refuse à un messager. Un messager aimé et suivi par 2 milliards de musulmans. Et tous les prophètes sont sacrés pour les musulmans, dans le sens où les musulmans les respectent, leur reconnaissent la place que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Et comme a dit l'érudit Cheikh Rabi'us Sunna, si les gens ont des slogans, nous avons que les slogans des prophètes alayhi salatu wassalam. Et si les gens ont des voix de la da'wa, nous avons que la voix de la da'wa des prophètes, alayhi salatu wassalam. Et si les gens ont des voix, nous avons que la voix des prophètes, alayhi salatu wassalam. Dans la page 51 du premier recueil des fatawas du premier recueil de l'ensemble des livres de Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala. Comment offenser cette sacralité au nom de la liberté d'expression? Cette provocation ne peut pas détruire une conviction. Il ne peut pas détruire l'amour qu'une communauté a pour son prophète. Mais cette provocation attise la violence chez une minorité qui ne se conduit pas conformément aux enseignements de l'islam et de son messager alayhi salatu wassalam. Et les réactions de cette petite minorité qui répond à la provocation par la barbarie et par la vengeance et par les assassinats ne doit pas amener à maltraiter toute une communauté estimée à plus de 5 millions d'individus en France. Et comme a dit Hassan II, rahimahullah, dans une interview qu'il a accordée à Frédéric Mitterrand, il faut imaginer que les musulmans sont près d'1,2 milliard dans le monde. Et si l'on trouve parmi ces musulmans 0,001, ça fait quelques millions. Il ne faut pas juger le 1,2 milliard de musulmans sur le 0,001 s'il apparaît que leur conduite n'est pas en conformité avec certaines pratiques. Fin de citation. Et parmi les points à observer dans cette fitna, un discours qui est un discours de mécréance claire, et un autre discours, deux discours on distingue, un discours qui est un discours de mécréance claire et un discours d'innovation. Ces deux discours attirent l'attention dans cette fitna des caricatures. Deux personnages médiatiques de la tribu de Bani Oui République qui disent oui à tout. Un parmi eux a demandé à la communauté musulmane de France que chaque musulman dise « je suis chrétien » par solidarité à la communauté chrétienne pour le drame de l'église de Nice. Ce personnage, qui est le fruit de ce qu'on appelle maintenant l'islam de France, est un ignorant, atteint d'une ignorance composée. Et là, il n'y a aucun doute que ce qu'il a dit, c'est de la mécréance. Et que ce personnage n'a aucune connaissance. Et cela prouve que ce personnage n'a aucune connaissance des bases et des fondements de l'islam que maîtrisent les petits monothéistes du CE2. Comment demander aux musulmans d'apostasier une journée par solidarité avec les chrétiens? Allahu musta'an. Il y a un autre, alors qu'il est dans un degré supérieur, cet imam de Drancy, qui est Hassan Chelroumi, qui est l'aspect, c'est lui qui a dit, qui a demandé aux musulmans qu'il faut dire que chacun dise qu'il est chrétien. Cet imam de Drancy, qui est en quelque sorte l'aspect folklorique de la tribu Bani Oui République, le deuxième, lui, c'est l'intello de service. C'est l'intello de cette tribu de Bani Oui République. Le recteur, comme l'appellent les médias de la mosquée Sunna de Bordeaux, Tariq Obro. Écoutez cela et vous comprenez pourquoi les dirigeants politiques insistent sur le terme islam de France et non islam en France. Car il y a une grande différence entre les deux expressions. Dans une conférence, Tariq Obro a plus que satisfait le public d'une loge maçonnique. Écoutez ce qui est tweeté par la Grande Loge Nationale Française le 27 novembre 2019. Et ce tweet est signé Jean-Luc et Yonel. Ils disent ainsi: bravo, monsieur le recteur, pour votre conférence. Islam, une vérité initiatique. Tariq Obro, le tweet dit: Tariq Obro, recteur de la mosquée de Bordeaux, s'est appliqué à fonder sa conférence et sa juste parfaite argumentation sur sa profonde connaissance du corpus de textes musulmans, Coran, Sunna et Hadith, et autres sciences humaines, entre eux, valeurs de la République et foi musulmane libérale. Et il est marqué, à la fin de ce tweet, un public plus que satisfait. Fin de citation. Ça, c'est ce qu'on veut en France. C'est ce qui est appelé l'islam de France. Il est tout simplement qui remet tout simplement à jour la tendance mu'tazilite. Cette tendance grave fondée par Atta ibn Wasil, à l'époque des Omeyyades, et cette secte mu'tazilite est une grande destructrice de l'islam de l'intérieur. Cette tendance mu'tazilite est issue d'une logique simple. Renier tous les textes religieux, que ce soit le Coran ou la Sunna, tant qu'ils ne sont pas considérés logiques et acceptables par la raison. Cette croyance est un véritable cancer qui inculque soumis à Allah que tous les hadiths et tous les versets du Coran pourraient être faux s'ils ne sont pas logiques et qu'ils ne sont pas conformes à la raison, et qu'il est permis à n'importe quel musulman de les critiquer ou de les rejeter. Cette tendance mu'tazilite verra sa gloire avec le khalif al-Ma'moun, le khalif Abbasid al-Ma'moun. À son époque, il y verra sa gloire. Cette croyance est très dangereuse, et son objectif, c'est d'étacheter les musulmans du Coran et de la Sunna. Et on se pose la question, comment il s'y a un musulman de donner une fausse interprétation à un verset du Coran ou à un hadith, et comment peut-il les rejeter? Dans la voie du mu'tazilite, c'est une chose normale. Le khalif Abbasid al-Ma'moun, avec son entourage, ont décidé d'imposer cette voie à la communauté, et à cette époque a été appelée l'époque de la grande mihna, l'époque de la grande épreuve. Une grande période trouble, durant laquelle beaucoup de savants furent massacrés, maltraités, tués, etc. Dont l'imam Ahmad, rahimahullah, qui a enduré, patienté dans cette épreuve, il fut maltraité, emprisonné, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir plus tard à al-mutawakkil, qui fait revenir la voix des gens de la sunna. Et depuis, cette tendance mu'tazilite n'a cessé d'être utilisée par les ennemis de l'islam pour le combattre de l'intérieur, en remettant en cause les principaux piliers qui sont le Coran et la Sunna. Depuis un moment, en France, on entend souvent les hommes politiques et des personnalités influentes et des philosophes et ainsi de suite parler de réforme de l'islam et de réinterpréter ces textes. Ces personnalités s'appuient souvent sur des imams autodéclarés ou des pseudo-penseurs musulmans ou des personnes qui s'apparentent à l'islam mais qui ne sont en réalité que des mu'tazilites modernes, comme Obrok, Iqisan et d'autres, Omar Rasfar, Bashrafil, Mokhtar, etc. La liste est trop longue. Ce même Tariq Obrok, qui est un échantillon de cette école mu'tazilite et qui fait partie de ce qui est appelé l'islam politique, et là on perd son latin. Comment on dit avec ceux qui font la chasse à l'islam politique? Obrok, à qui on étale actuellement les tapis rouges sur les plateaux de télé et les antennes de radio, fait partie des adeptes de l'islam politique. Dans une conférence qu'on trouve sur YouTube, il fait les éloges de Hassan al-Banna et sa nouvelle interprétation de l'islam et ses efforts pour la remise de la khilafa. Alors que la secte des frères musulmans fondée par Hassan al-Banna, à laquelle appartient Obrok, qu'il le veuille ou non, et devant laquelle il est ébahi devant son fondateur, c'est la mère nourricière des Khawarij et de tous ces assoiffés du sang du monde moderne. Sayyid Qutb qui en fait partie, est le leader spirituel de ces poseurs de bombes, de ces assassins dans le monde actuel. Les livres de Sayyid Qutb sont les livres de chevet des adeptes de Daesh, de Al-Qaïda, de Nusra, de l'Ikhwan Muflisoun, etc. Et regardez comment Iqisan, il fait les éloges de l'interprétation du Coran qui n'est pas une interprétation du Coran qu'a fait Sayyid Qutb. Et qui appelle à s'intégrer et à prendre des pouvoirs, à prendre des postes, etc. Hadou, ce sont les enfants de l'islam politique. et on les voit sans problème, sans qu'ils soient dérangés. Et pour arriver à bout de l'expansion de l'islam en France, tous les moyens vont être déployés et surtout s'atteler à démanteler l'islam de l'intérieur. Et pour y arriver, auront mis au goût du jour le mu'tazilisme, la voie du mu'tazila, afin de créer des générations qui n'ont de l'islam que le nom. D'où ces derniers temps, les médias, les politiciens s'en prennent aussi, depuis un petit moment, s'en prennent aussi ostentatoires. Et donc l'idée, ce n'est pas d'interdire aux musulmans de pratiquer l'islam, mais c'est plutôt de leur inculquer comment le faire et comment l'exprimer. Et c'est ce qu'on appelle l'islam de France. Donc l'islam de France, qu'on veut le faire inculquer, n'est autre que la voie du Mu'tazila. Cet islam, on ne prend pas en référence le Coran et la Sunna. C'est la voie et le moyen pour l'extension de l'islam en France. Mais Allah protège sa religion. قال عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم النور ولو كره الكافرون. La traduction approximative du sens du verset, ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah parachèvera sa lumière, on dit puis de la version des mécréants. Et qu'on n'oublie pas, la France est un pays qui a été toujours hostile aux religions. Méditez l'histoire de la France, le sort qui a été réservé aux chrétiens, puis aux protestants, puis aux juifs, et peut-être que maintenant c'est le tour des musulmans. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui sait. Et ça ne peut pas être autrement. C'est une suite logique de la voie, dans la voie du pays de la révolution. Vers la fin des années 90, quand j'étais actif dans l'association ANES, comme tout responsable d'association, j'étais convoqué par les membres de la DST du nord de la France, de l'époque. Et lors d'un entretien qui était très dur, on me crache à la face, la salafia n'est pas la bienvenue en France. Et que je ne prêchais pas l'intégration et que de toute façon, la France est un pays qui a fait la révolution et tout le monde doit s'y conformer et rentrer dans le moule. Comme ça sec. À cette époque, j'intervenais dans les locaux de la Moussalla d'une des universités, d'un des campus universitaires au nord de la France. J'ai connu un jeune étudiant à l'université de Villeneuve-d'Ascq, qui faisait un cocktail entre la da'wa des Ikhwan et celle des Tablir, et qui a dit un jour à l'un de nos frères salafis, il faut faire des hautes études pour prendre les postes et changer la situation dans ce pays. Bien sûr, si Allah subhanahu wa ta'ala veut la changer, il la changera. Mais je crois que ce jeune vivait dans un nuage, croyant que les politiciens, les décideurs en France vont donner l'occasion à qui que ce soit de changer la situation. Mais tout pour Allah est possible. Et on voit très bien que tous ceux qu'on rapproche et qu'on met au devant de la scène et qui sont mis en avant par les médias, on voit et on remarque ce qu'ils jouent le rôle de destruction de l'islam de l'intérieur. Sinon, c'est la touche ou la prison. Et on fera courir derrière leur dos toutes sortes de rumeurs. Wahhabites, terroristes, extrémistes, salafistes, et la dernière maintenant, communautaristes, séparatistes, etc. Et là, on comprend mieux les apparitions de Chelgoumi et de Bajrafil, d'Obrok et d'autres sur les plateaux de télé et sur les ondes de radio. Car c'est par leur biais et par le biais du discours de ce genre d'individus que se fera la guerre à l'islam authentique en France, pour être remplacé par l'islam de France, qui n'est autre que la tendance mu'tazilite avec un lifting républicain et laïque. Et là, on se doit de se rappeler la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu wa arda. Et qu'on médite cette parole, Abdullah ibn Mas'ud, qui a dit, chaque époque que vous vivez est pire que la précédente. Je ne parle pas d'un gouverneur meilleur qu'un autre ou d'un peuple plus riche que l'autre, mais vos savants jurisconsultes meurent et vous ne leur trouvez pas de successeurs et viendront des gens qui donneront des fatwas selon leurs pensées. Méditez cette parole de celui qui a été éduqué par le prophète alayhi salatu wassalam, celui duquel le messager d'Allah a dit, celui qui veut prendre le Coran frais tel qu'il a été descendu sur Mohammed alayhi salatu wassalam, qu'il le prend d'Ibn Abd, hein, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré. Et méditez ce que dit Chalroumi, ce que dit Tariq Obrok, ce que dit Bajrafil, ce que dit Iqusan, Mkhtar, et j'en passe. J'ai cité auparavant ce qu'a écrit certains Luc et Lionel après la conférence d'Obro devant la Grande Loge Nationale Française. C'est des bravos, monsieur le recteur, pour votre conférence « Islam, une voie initiatique ». Et regardez ce commentaire et cette thèse qu'il y a donnée par les adeptes d'une loge maçonnique. Hein? Regardez la thèse qu'il y a maintenant. Tariq Obro s'est appliqué à fond de sa conférence et sa juste parfaite argumentation sur sa profonde connaissance du corpus de textes musulmans, Coran, Sunna et Hadith et autres sciences humaines entre valeurs de la République et foi musulmane libérale. Hein? Alors vous voyez un peu. Regardez et méditez les éloges d'une loge de francs-maçons. Et là, on doit se rappeler la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » La traduction approximative du sens du verset, « Né les juifs, né les chrétiens, ne t'agréeront que si tu suis leur voie. » Maintenant, pourquoi Obro a mérité ces éloges de la loge nationale française? Tout simplement parce qu'il est plus républicain que les républicains, et plus laïque que les laïcs eux-mêmes. Observez cela dans ce qu'il a dit concernant le voile et concernant les caricatures, Wallahu al-Musta'an, sur BFM TV. Il dit, il n'y a aucun texte univoque et formel qui obligerait la femme à couvrir ses cheveux. Subhanaka hada buhtanun azim. Ceci est un grand mensonge. Et on comprend pourquoi il est au devant de la scène et sur les plateaux où on lui adresse des éloges, on le félicite, alors qu'il fait partie de l'équipe de l'islam politique que la France veut combattre, alors qu'il fait de grands éloges à Hassan al-Banna et aux frères musulmans. Mais du moment qu'il interprète l'islam et le Coran et la Sunna selon les principes de la République, on ferme les yeux pour l'instant sur ce qu'il est réellement. Il arrivera un jour où il sera rejeté comme un torchon. Et c'est ce qui arrive à tout un chacun qui interprète la religion d'Allah différemment de ce que veut Allah et ce qu'a enseigné le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et voyons maintenant, alors que des voix d'intellectuels et journalistes s'élèvent pour condamner les offenses aux valeurs d'autrui, monsieur Obro se montre plus libéral que les libéraux, et plus laïque que les laïcs, et plus républicain que les républicains, en disant sur les ondes de BFM TV, et ceci a été relaté par le Parisien, il dit sans pudeur, Dieu, a'oudou billah, Dieu a donné cette permission à l'homme de caricaturer le divin. Il dit théologiquement, si établi dans les textes, vous imaginez ces paroles de grande mécréance que prononce cet homme et ce qu'il sait réellement ce qui sort de sa tête. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. La traduction approximative du sens du verset. Dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il est dit « N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. » Allah a ordonné de ne pas insulter les divinités des polythéistes et des associateurs pour qu'ils n'insultent pas Allah. C'est ainsi dans le verset, M. Obro, contrairement aux sottises et mensonges que tu as prononcés. Allah a interdit d'insulter les divinités des associateurs pour que ces associateurs n'insultent pas Allah. Et tu viens sans pudeur dire qu'Allah a autorisé de le caricaturer. Oui, partez, t'as raison. Regardez jusqu'où le complexe d'infériorité face à l'Occident pousse ses poussins de l'école de la raison qui est l'école du Mu'tazila. Regardez vers où il les pousse. Hein? À dire des mécréances. Wa rahimallahu l'imam Sa'di, dont l'interprétation qu'il a fait de ce verset concernant, il a dit, rahimahullah, Allah a interdit quelque chose qui est permise à la base, le fait d'insulter les divinités des polythéistes adorés avec Allah, car il est permis de s'approcher d'Allah par le mépris de ces divinités adorées avec Allah. Mais comme cela est une voie et un prétexte pour que les polythéistes insultent le Seigneur des mondes, qu'il faut exempter de tout défaut et de toute diminution, Allah a interdit d'insulter les divinités des associateurs. Fin de citation. Et dans l'autre verset, dans Sourate Al-Hujurat, il est dit, Ya ayyuhal ladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun, wa la tanmizu أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. Dans le verset dans sourate Al-Hujurat, il est dit, ou vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobroquets, c'est-à-dire des injures. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Naam. Ainsi, il a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, a ordonné aux croyants de ne pas se moquer les uns des autres. Et Sa'di rahimahullah nous dit, dans l'interprétation de ce verset, ceci, c'est aussi les droits des croyants les uns vis-à-vis des autres. Ils ne doivent pas se moquer les uns des autres par n'importe quelle parole ou par n'importe quel acte qui met en dérision ou rabaisse un frère musulman. Ceci n'est pas permis et cela prouve que le railleur ou le moqueur est imbu de lui-même. Fin de citation. Mais M. Obro dit qu'Allah a donné la permission à l'homme de le caricaturer. Subhanaka hada buhtan mubin. Gloire à Allah. Ceci est un mensonge clair sur Allah. Et ceci, c'est de la mécréance. Wallahu al-musta'an. Mais que voulez-vous? Toute personne qui s'aventure à parler de quelque chose qui n'est pas de sa spécialité ramène des aberrations. Il ramène des stupidités et plus grave comme ici des paroles de mécréance, alors qu'Allah interdit de parler sur lui sans science. Il est dit dans le verset, قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il est clairement dit dans cette traduction approximative du sens du verset cité ici, dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, c'est-à-dire les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché de l'agression injustifiée sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Méditez bien ce verset, et analysez la gravité de la parole d'Obro sur Allah. Cheikh Salih al-Sheikh, Hafidhahullah, avait dit, que les savants ont dit que les péchés dans ce verset sont classés du moins grave au plus grave. Et parler sans science sur Allah est placé au plus haut niveau. Et il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve, car associer, donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala est un acte limité à l'individu lui-même. Mais parler sur Allah sans science, la personne s'égare et entraîne autrui dans l'égarement. Wallahu al-musta'an. Fin de citation du sens des paroles de Cheikh Salih al-Sheikh dans le commentaire qu'il a fait du Kitab Tawhid. Et là, on comprend mieux comment les individus comme Obro ou comme Chelgomi sont indispensables pour installer et réformer l'islam de France et lui donner un aspect et des bases. Rien d'étonnant à cela. Car notre messager, alayhi salatu wassalam, nous a annoncé dans un hadith authentique dont le sens nous dit ceci: viendra un temps où le vrai sera remplacé par le faux, où on attestera de la véracité du menteur et on qualifiera de traître le loyal et de loyal le traître. Durant ce temps se prononcera Rouaibida. Et on lui dit, ô messager d'Allah, c'est qui Rouaibida? Et il a dit, alayhi salatu wassalam, l'insensé qui se prononce et parle sur les sujets de la communauté. Regardez maintenant, méditez, combien de Rouaibida existent dans notre entourage. Wallahu al-musta'an. Et pour terminer avec ce point, je cite ici les paroles d'Ibn Taymiyyah rahimahullah dans le 13e volume de l'Mujmou' à la page 243, où il a dit rahimahullah: celui qui explique le Coran ou le Hadith et qui en donne une autre signification qui n'est pas connue des compagnons et de leurs successeurs, celui-là ment sur Allah et invente des choses sur Allah. Celui-là a détourné les versets d'Allah de leur sens et a déformé la parole de sa place. Et ça, c'est l'ouverture de la porte de la zendaka. La zendaka qui est l'hypocrisie, qui est, etc. Et de la déviance. Et c'est déterminé dans l'islam que ceci est mal et que ceci est faux et nul. Fin de citation. Partant de là, il n'y a rien d'étonnant. Quand Tobruk dit que Allah a autorisé de caricaturer et Allah subhanahu wa ta'ala, rien d'étonnant que des non-musulmans dénigrent le messager d'Allah. Et dénigrent son message. Certes, ceci est blessant et offensant pour nous, ce qui est tout à fait normal, car il nous touche dans ce que nous aimons le plus et dans ce qui est plus cher pour nous, plus que notre vie, plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nos biens. Mais le plus grand des étonnements, c'est ces insensés qui justifient ce genre d'offense, de ce genre d'offense, comme nous l'avions vu dans le cas de Obro et de Chelgomi. Et l'étonnement ne s'arrête pas. Tu vois certains qui sont à l'opposé de la voix du messager alayhi salatu wassalam et qui appelle pour défendre le prophète alayhi salatu wassalam, appelle au boycott. Ils appellent aux manifestations. Ils appellent au sitting, etc. Et tout ceci, ce ne sont que des actes qui ne viennent de ceux que le messager nous a interdit d'imiter. Comment défendre le messager d'Allah avec des actes qui nous a interdits? On a entendu ces derniers temps pour, soi-disant, la défense du prophète, alayhi salatu wassalam, des slogans comme « Illa Rasulallah », sauf le messager d'Allah. Notre noble cheikh, Ubaid, dit à ce niveau, il y a quelques années déjà, en réponse à une question qui lui a été posée à ce sujet, « La défense et le soutien du messager d'Allah se fait par le suivi de sa sunna et par le fait de croire en lui et en ce qu'il a transmis d'Allah. Ça, c'est le soutien véridique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette expression contenue dans la question « Illa Rasulallah » sauf le messager d'Allah, on entend des prêcheurs qui appellent au boycott de façon absolue. Et il dit « Hafidhahullah » que Allah subhanahu wa ta'ala alors sa vie dans son obéissance qui lui donne la santé. Le boycott n'est pas un acte du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le boycott n'est pas un acte des khalifs, bien guidés après lui. Le boycott n'est pas un acte des compagnons, ni un acte de leurs successeurs, ni de ceux qui sont venus après eux, comme les quatre imams respectés des écoles de jurisprudence, Abu Hanifa, Nu'man ibn Thabit, Abu Abdillah, l'imam de Dar al-Hijra, Anas ibn Malik, Abu Abdillah, Muhammad ibn Idris, Shafi'i, Abu Abdillah, Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah les couvre de sa miséricorde. Et il dit, Hafidhahullah, les premiers qui ont été connus par le boycott, ce sont Rafida. Regardez qu'est-ce qu'on imite avec le boycott. Cela fait partie de leur délire, il dit. Ils ne buvaient pas de l'eau venant du ruisseau. Et depuis, ils creusaient par Yazid ibn Muawiyah. Vous imaginez un petit peu? Hein? Et ils ne mangeaient pas de nourriture, ni de fruits venant de Sham, qui était gouverné par les Omeyyades. Par Yazid, hein, ibn Muawiyah. Et ils ne mettaient pas non plus les vêtements venant de Sham, alors que le messager d'Allah, pourtant il venait, hein, de chez les musulmans, qui étaient gouvernés par Yazid ibn Muawiyah. Alors que le messager d'Allah mangeait tout ce qui arrivait à Médine comme nourriture, des kuffars, et s'habillait ainsi que ses compagnons avec les vêtements venant des kuffars qui se vendaient sur le marché de Médine. Le messager n'a pas boycotté les kuffars, et parmi eux les juifs, qui ne croyaient pas en le messager, et qui traitaient le messager de menteur, ils ne croyaient pas en son message, de même que les chrétiens. Les juifs disent, l'Uzayr c'est le fils d'Allah. Les chrétiens disent, le Christ c'est le fils d'Allah. Et tous disent, nous sommes les enfants et les bien-aimés d'Allah et bien d'autres mécréances. Mais le messager ne les a pas boycotté, hein, leur marchandise. Il dit, Hafidhahullah, et celui qui suit les textes et les événements saura que ceux qui appellent au boycott sont deux catégories de personnes. Une catégorie de prêcheurs égarés qui ne respectent pas les gouverneurs musulmans et qui ne donnent aucune importance aux gouverneurs des pays de l'islam. Et une autre catégorie qui sont des savants éducateurs qui n'ont pas eu connaissance de ce que nous vous avons cité concernant le boycott. Fin de citation des paroles de notre père, Cheikh Obaid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala en sa vie, dans son obéissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fortifie sa santé. Frères en Allah, azza wa jal. Comme l'ont expliqué les hommes de science, boycotter les produits n'est pas une décision qui doit être prônée et réclamée par les prêcheurs ou par des associations ou par des individus. Ceci est du ressort des gouverneurs, c'est eux qui le décident, s'ils y voient un intérêt. On ne voit pas, on ne vit pas dans les pays de l'islam, dans l'anarchie. On obéit à nos gouverneurs de l'obéissance à Allah. Partant de là, celui qui est doué de raison voit que les non-musulmans sont hostiles à l'islam, sont hostiles aux messagers de l'islam. Ils dénigrent notre religion et notre messager nuit et jour. Et ce que nous avons vu ces derniers jours comme dénigrement et raillerie sur notre messager alayhi sallam n'est pas l'effet d'aujourd'hui. C'est leur voix et leur conviction de toujours. À l'époque du prophète alayhi sallam, il le traitait de menteur, il le traitait de sorcier, il le traitait de magicien, de poète, d'être atteint de folie, etc. Mais ceci doit nous faire prendre conscience et nous ramener à se cramponner à notre religion. Et à apprendre notre religion comme il se doit. Et d'arrêter d'imiter les non-musulmans. Et de sortir du complexe d'infériorité que certains ont devant les non-musulmans. Et devant l'Occident en général. Et comme les savants de la Sunna disent, les dénigrements des non-musulmans de l'islam et de son messager prouvent la faiblesse des musulmans dans l'attachement à leur religion. La gloire et la puissance et les honneurs ne reviendra aux musulmans qu'une fois qu'ils reviennent à leur religion, qu'ils reviennent à la religion sur laquelle était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et c'est la seule solution pour avoir la suprématie, les honneurs, la gloire et la force. Les honneurs et la suprématie ne s'obtiendront pas par le biais de l'imitation des non-musulmans, ni par la divergence avec la voie du messager alayhi salatu wasalam, en boycottant les produits des non-musulmans et en appelant à des manifestations qui sont la source du mal, qui sont la source de l'anarchie et de l'insécurité. Comme les honneurs et la suprématie ne sauront venir de la propagation de slogans « sauf Mohammed ». Abadan. Illa Muhammad ou illa Rasulallah, ceci est une expression qui n'est pas permise. L'interdiction des insultes n'est pas limitée à notre messager uniquement. Il est interdit d'insulter Allah. Il est interdit d'insulter tous les prophètes et tous les messagers alayhim salatu wasalam. Et il est interdit d'insulter les compagnons des prophètes alayhim salatu wasalam. Et les croyants, et les savants, et les vertueux, et les gens. Il est interdit de les insulter. قال عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. Clair dans le verset, la traduction approximative nous dit ceci: qu'un groupe ne s'oreille pas d'autres groupes, d'un autre groupe, peut-être qu'ils sont meilleurs qu'eux. Et la défense de notre messager alayhi salatu wasalam et les honneurs et la suprématie ne s'obtient pas par le biais des assassinats, par le biais des poses de bombes ou par le biais de la décapitation d'hommes et de femmes dans les pays de non-musulmans. Il ne fait pas partie de la défense du messager le non-respect des engagements et la trahison des engagements que les gouverneurs des pays de l'islam ont avec les gouverneurs des pays non-musulmans en assassinant les ressortissants des pays non-musulmans qui sont venus pour une raison ou pour une autre dans un pays de l'islam. Ils y sont rentrés parce qu'il y a un engagement et un pacte. Et on ne doit pas trahir l'engagement de nos gouverneurs et les assassiner ou les prendre en otage. La défense de notre messager, alayhi salatu wasalam, la défense du messager et la suprématie et les honneurs, comme l'a clarifié plus d'un parmi les hommes de science, c'est de revenir à sa religion et c'est de l'accomplir comme il se doit. Et dans ces cas-là, attends-toi à l'élévation dans ce bas monde et dans le delà. Toi qui veux défendre et soutenir notre messager véridiquement. Toi qui veux défendre et soutenir notre messager véridiquement, prends-le comme modèle, suis-le et accomplis ses droits. Tu veux défendre le messager et le soutenir, préserve la prière en commun et mets en application ses ordres et éloigne-toi de ce qu'il a interdit. Tu veux défendre ton messager, accomplis ta hijra, quitte les pays de non-musulmans vers un pays de l'islam pour sauver ta religion, pour sauver ta famille, pour sauver tes enfants. Tu veux défendre ton messager, alayhi salatu wasalam, préserve la prière du fajr à la mosquée et accomplis sa sunna, et éloigne-toi des innovations, et éloigne-toi de tout ce qui appelle vers les innovations et vers l'anarchie. Ça, c'est la voie pour défendre et soutenir le messager. Quant au fait de vouloir le défendre avec l'imitation des non-musulmans dans leurs actes de défense les uns les autres, ceci est une faiblesse. Il ne fait pas partie de la défense de notre messager, alayhi salatu wasalam. Et encore moins de sa voie. Mais malheureusement, il y a certains musulmans qui se raillent de notre messager en se moquant de sa sunna. Certains se moquent du vêtement des hommes relevé au-dessus des chevilles. Et d'autres se moquent de la barbe. Et d'autres se moquent du hijab de la femme. Et d'autres choses. Et d'autres se moquent du siwak. Et tout cela, ça c'est se moquer de notre prophète et de sa religion. Car c'est lui qui nous l'a légiféré. Et c'est lui qui nous l'a ordonné. Il faut faire très attention et revenir vers Allah et suivre son messager si on veut la gloire, si on veut la suprématie, si on veut les honneurs. Comme a dit le Farouk, radiyallahu anhu arda, Omar ibn al-Khattab, l'homme qui passait dans son chemin, Shaitan il y passe pas. Il a dit, nous étions des gens rabaissés Nous étions au plus bas degré. Allah nous a élevés au plus haut et Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés et élevés avec l'islam. Si on cherche les élévations et les honneurs dans autre chose que l'islam, Allah nous rabaissera. Donc nous aussi, si on veut avoir la suprématie et être élevé, nous devons revenir à cet islam sur lequel étaient Omar ibn Khattab et Abu Bakr, Muhammad alayhi salatu salam et ses nobles compagnons. Il ne faut pas qu'on oublie que la promesse d'Allah à son messager dans sa parole, il ne faut pas oublier non plus les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala comme celle-ci est faite à son messager alayhi salatu salam. Qala azza wa jal, inna kafaynaka al-mustahzi'in. La traduction approximative du sens du verset. Une promesse d'Allah azza wa jal dans ce verset. Allah a promis à son messager de s'occuper des railleurs qui se moquent de lui. Hein? Il a promis qu'Allah subhanahu wa ta'ala et les promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala sont véridiques. Sa'di rahimahullah dit concernant ce verset, ceci est une promesse d'Allah de s'occuper de ceux qui se moquent de lui, c'est-à-dire de son messager, et que leur raillerie ne lui fera aucun mal. Car chaque fois que quelqu'un se montre mon cœur du messager d'Allah et de ce qu'il a transmis, Allah le fait périr et lui donne la mort d'une façon horrible. Fin de citation. Et celui qui médite l'histoire se rendra compte des châtiments différents qu'Allah a fait subir à tous ceux qui étaient hostiles aux messagers d'Allah et à tous les messagers d'Allah et à tous ceux qui se sont moqués des messagers d'Allah, comme Allah subhanahu wa ta'ala, hein, les a châtiés dans ce bas monde, et ce qui les attend dans l'au-delà est encore pire. Donc, pour que tu défendes ton messager, toi qui vis au milieu des non-musulmans sur une terre qui n'est pas une terre de l'islam, accomplis ce conseil et cette orientation que l'imam Malik te fait et ne fait à tous, dans ce qui est rapporté dans Ahkam al-Qur'an d'Ibn al-Arabi, hein, dans le tome 1 à la page 611, l'imam Malik a dit, il n'est pas permis à quiconque d'habiter dans un pays où salafs sont insultés, et encore moins dans un pays où le messager d'Allah est insulté. Hein? Ça c'est le conseil de tes pieux prédécesseurs d'Allah Alim. Cheikh Mukbir rahimahullah a dit, ce qui nous arrive comme acculation en arrière, et rabaissement, et comme acharnement des ennemis sur nous, c'est à cause de nos œuvres. Donc, si nous devons nous prendre à quelqu'un, nous devons nous prendre à nous-mêmes, et voir où sommes-nous de la religion d'Allah, où sommes-nous de la voix de notre messager, alayhi salam, où sommes-nous de la voix de ses nobles compagnons, où sommes-nous de ses orientations, hein, et qu'on ne se leurre pas. Notre suprématie, nos honneurs, sont dans le fait de lui obéir, de le suivre. C'est ça, le réel amour du messager alayhi salatu wassalam. Et la réelle défense du messager alayhi salatu wassalam. Hein? Enfin, soyons raisonnables et réfléchissons et sauvons notre religion, sauvons-nous et qu'on sauve nos enfants et ceux qui sont sous notre tutelle. Face à Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, بأسمائه الحسنى وصفاته العلى اجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لإخواننا الهجرة إلى بلاد الإسلام وأن يوفقهم إليها وأن يثبت المهاجرين في بلاد المسلمين سلوه سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من كيد أعداء هذا الدين سلوه سبحانه وتعالى أن يحفظهم وسلوه سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وسلوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى وأن يرزقهم بطانة صالحة تعينهم على إقامة الدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا